Yeah. DKSS, DK2S, Dedicasa et Flow. Ok. Yeah. 2011, on contrôle le réseau, je t'assure. Ha. Tu vas devoir me donner raison, accusé de génocide envers les MC. Aya pourra témoigner, j'ai plus de flow que Nesbill, Easy Nesdri. Aya et flow, trop de nuages dans le ciel pour faire un lever de rideau. Et comme dirait Mister Aya, et ouais, j'irai jusqu'à Rio, et c'est une réalité, j'irai jusqu'au reality show. Yeah, yeah, yeah. Et le swag me guette, Mister le détective, toujours en quête de quête. Et j'excelle depuis l'époque de Dixon, je dis go boxon. DKSS expert sans conquérant, une fois de plus je m'impose dans ses rangs. Traité de scélérat, mais on est des persévérants. Yeah. Je fais des feats, je fais des sons, je fais des phases. Mon blast c'est DK2S, mon blast c'est DK2S, mon blast c'est DK2S. DKSS, DK2S, DKSS. F.O. l'a dit, ça s'annonce lourd, même pour les sourds, il me faut des sous. Pour une meilleure qualité, pour une meilleure qualité, DK2 et DKSS, prends un DK et stress. Yeah, une fois de plus, Aya, F.L.O. Dream, demande à Samy Mollier, qu'est-ce qu'il y a de mieux que les lobby dreams. Je fais des métaphores pour combler un vide, je roule les étapes sport. Mais je vais très vite, vaut mieux dormir les yeux ouverts que de pas dormir du tout. Je sais qu'il reste beaucoup à faire, mais je ne distingue pas le vrai faux. Comment veux-tu percer là-haut quand tu ne distingues pas le réel? Quoi que tu dises, je fais ma route perdue entre deux trois rêves. Yeah, les sentiments, ouais mec, ça se perd. Je vis ma vie en tant qu'Asper, je vis ma vie en tant qu'Asper. Tout ça pour faire des rimes externes, piégées dans des idées extrêmes. Je fais de mon mieux pour vivre dans un monde hypocrite. Moi je ne citerai pas de nom, il y en aurait trop plus dans une synthèse écrite. Je mets pas de casque aux oreilles en écoutant quelques idoles. La Oni ou bien Blackette avant le lever de rideau. J'innove, j'innove, fais des feats, je fais des sons, je fais des faces. Mon blast c'est DK2S, DK2S, DK2S, DK2S, DK, DKS. Et ce flow l'a dit, ça s'annonce lourd, même pour les sourds. Il me faut des sous pour une meilleure qualité. DKSS, DK2S, prends un DK et stress. Yeah. Ok. Et je crois que je vais m'arrêter là. En même temps, c'est que le prélude, avant le prélude, avant l'album. Pas trop dévoilé. Tout ça pour dire, tout mon blast c'est DK2S. Yeah, m'arrête ici. Ok. Ok. Ok.